Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois. Les beaux jours arrivent qui sentent bon les annonces. Réservez votre jeudi 9 mai, ce sera une journée Freaks et Merveilles. Plus d'infos bientôt. En attendant, voici venir l'invité du jour. Alors, le Royaume Nocturne, déjà de base, c'est un endroit mental que j'ai décidé de nommer comme ça. D'où vient King Baxter ? Et c'est, en gros, c'est le nom de mon inconscient. Mais pas juste du mien. Parce que King Baxter n'est pas juste... Enfin, ça m'appartient. Mais le fait d'être King Baxter comme le fait d'être Drag Croc, par exemple, c'est un processus qui, pour moi, est un processus artistique. Et donc, le Royaume Nocturne, ça pourrait être le nom de l'inconscient... de quelqu'un d'autre si ce n'était pas moi. Seulement j'ai décidé de l'appeler comme ça et voilà. Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, j'explore un inconscient. Je reçois un artiste multiple. Compositeur, musicien, chanteur, drague, animateur radio, travailleur du sexe, militant, formateur, roi. Le tout en gardant une âme punk précieuse, un radicalisme joyeux, une flamme éternelle et bienveillante. Vous écoutez son art en ce moment. C'est Yul qui réalise les audios de Freaks et Merveilles. Je veux parler bien sûr de King Baxter. Ensemble, on a parlé de nos racines et de nos aspirations, de la lutte qui paye et de la solitude militante, d'art sous bien des formes. Belle écoute et à bientôt. Eh bien, bonjour King Baxter, comment allons-nous ? Ça va très bien. Oui, ça va. Oui, merci. Bon, alors la situation est vraiment très étrange parce que c'est toi qui as créé le décor sonore qui accompagne ce podcast, mais au moment d'enregistrer cet épisode, tu ne l'as pas encore fait. C'est vrai. Donc, je ne sais pas à quoi il va le... On ne sait pas. Voilà, on ne sait voilà, pas. On ne sait pas. On ne peut pas encore te remercier pour le merveilleux travail que tu vas sans doute faire dessus. Et ben, en tout cas, moi, je suis très, très, très contente de te recevoir. Ici, et ben sans plus attendre, mais justement, toi tu composes, tu joues, tu arranges, tu interprètes en drag. Mm-hmm. Comment ça se fait que tu fais ça en drag ? Eh bien, alors tout d'abord, il faut savoir que je ne viens pas du milieu du cabaret de base. Moi, j'ai fait une école supérieure nationale d'art plastique à Nice qui s'appelle la Villa Arson. Durant laquelle j'ai développé un travail qui découlait de ma pratique musicale. Du coup, ça comprend autant de la performance que de la vidéo, que de l'illustration. En fait, tout ce qui était, tout ce qu'on voit, toute l'imagerie autour d'un groupe musical, par exemple, ou d'un univers musical, qui est une forme de production. Et du coup, c'est ce que je me suis mis à faire pour constituer tout l'univers de King Baxter. Donc tu veux dire l'identité des CD, l'identité visuelle sur scène, etc. Ouais, c'est ça. Des vidéoclips. C'est ça. De comment est-ce qu'on vient remettre cet univers de création qui est total dans le domaine de l'art contemporain. Parce qu'à l'époque, du coup, c'est là où je me situais. Et puis j'en suis sorti et j'ai continué à faire de la performance. C'est aussi avec ça que j'ai passé mon diplôme de cinquième année, donc le master en école d'art. Je l'ai passé en tant que drague à genre. C'était les tout débuts de King Baxter. Voilà. Ok, donc c'était ton travail de fin d'études tout à fait. King Baxter, quoi. Ouais. Trop bien. En tant que projet général, pas juste en tant que personnage. Parce que King Baxter équivalait aussi Royaume Nocturne, qui vient déjà de cette narration-là. Ok. Et à ce moment-là, déjà, tu composais, t'écrivais, tu chantais ? Ouais. J'ai eu plusieurs projets musicaux. J'ai commencé par faire de la batterie. Je pense que mon premier groupe, c'était un groupe de heavy metal. Et okay. J'avais 14 ans. Et je faisais du heavy metal avec mes voisins d'immeuble. Mmh. Et j'étais à la batterie, on faisait des reprises principalement d'Iron Maiden, Metallica, Slayer, ACDC, pour plein de trucs d'ados qui écoutent du rock et du métal. Du power metal qui tâche, quoi. Exactement. Okay. J'ai commencé par ça, puis j'ai continué à être à la batterie dans des groupes de punk, des groupes de doom, donc beaucoup plus dark. Et à un moment, j'ai intégré un groupe qui s'appelait Chevelure Rose Beat, qui est donc un adjectif de couleur, bien évidemment, comme on peut le comprendre, qui était un groupe de glam punk, même de gloss punk, comme on le disait. Du coup, là, on commençait à approcher un aspect visuel scénique qui était de s'apprêter sur scène et beaucoup plus glam, du coup, donc maquillé avec un personnage de scène. Et à cette époque-là, j'étais donc toujours à la batterie, mais j'étais le personnage de la maîtresse dominatrice de du groupe. Très bien. Qui donne le rythme, quoi. Voilà. Exactement. Voilà. Ensuite, j'ai Mais là, c'était pas encore King Baxter. C'était pas encore King Baxter, non. En fait, tu t'essayais à différents personnages, à différents... Oui, je pense que j'aimais déjà ça. Enfin, j'étais très très fan. Aussi dans la musique goth, il y a énormément d'habillage et de réflexion autour de comment est-ce qu'on se présente sur scène. Mais dans la musique électronique aussi. Dans le métal aussi, il y a souvent des décorums scéniques hyper impressionnants. Tout à fait. Et une histoire, une narration qui parfois en fait, vient mélanger notre vie, mais met à distance de par le personnage de scène. Du coup, voilà. Et petit à petit, j'ai eu des formations comme ça de musique jusqu'à vraiment tenter de réaliser le rêve d'enfant que j'étais, c'était de composer de la musique du début jusqu'à la fin par moi-même. Donc à un moment, je me suis mis à faire de la musique seule, qui était d'abord de la musique expérimentale, electronica, où j'avais comme instrument de musique une Game Boy Advance, mon GSM, un synthé pour enfants, et des grosses boîtes à rythme qui tâchaient bien. j'ai fait ça, qui s'appelait Electro Doom, et ensuite King Baxter est arrivé. Ok. Voilà. Et du coup, non mais c'est bien, du coup tu mets complètement la structure de ce podcast sans dessus-dessous, mais c'est fidèle à l'image que je me fais de toi en tout cas. Mais pourquoi ? Parce que le drag, c'est du lip-sync, c'est ça que font les drags. Alors... Comment, pourquoi ? Bon, évidemment, ma phrase est volontairement provocatrice, mais d'où t'est venue cette idée de se dire, ce personnage de scène, je ne vais pas simplement en faire un personnage d'un groupe de musique comme tu as pu vivre avant, mais Yul va vivre sa propre vie sur scène en tant que King Baxter et en se revendiquant du drag. Ouais, mais surtout qu'à l'époque, quand j'ai créé King Baxter, c'était 2013-2014, donc en fait des personnages drag, enfin 2014 en francophonie en tout cas, on n'était pas beaucoup à suivre Drag Race par exemple, vu que c'est genre la chose la plus grosse et mainstream qu'on connaît par rapport au drag, et qui était genre, comme on le sait, encore bien bien seulement queen à l'époque. Donc des personnages comme le mien n'existaient pas, j'avais vraiment pas de représentation genre par rapport Dragula, à ça. Tout ça, c'était pas encore. Non, ça existe. Dragula, c'est arrivé bien plus tard parce qu'ils sont qu'à la quatrième saison. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Okay. Mais par contre, du côté des monstres et donc du côté des goths, ça existait déjà, mais du côté de chez les Kemp aussi, puis juste dans notre communauté LGBT QIA+, de l'époque, les Drag Kings, c'était aussi de la performance qui était faite par les Gwyn, par les Dykes. Et du coup, voilà, c'était de là d'où ça venait. Et le fait de chanter, c'était aussi... pour moi, je ne me suis pas posé la question du lip-sync et de savoir pourquoi est-ce que c'était différent. Mm-hmm. Pour moi, j'étais juste fan de Divine. Et du coup, Divine chantait, et donc pour moi c'était tout à fait logique d'être dans la même filiation en fait que Divine. Donc qui... Divine en deux mots, c'est une drag queen. C'est C'est un caractère qui est un caractère de scène, qui n'est pas simplement drag queen, qui a été dans les scènes où il y avait des drag queens. C'est une personne trans, activiste, militante, qui a été actrice aussi pour John Waters pendant très longtemps, parce que ça a été pendant au moins 5 ou 6 films la muse principale de John Waters. Et du coup, elle était dans ce milieu-là. Elle cultivait une image et des performances qui testaient les limites, qui étaient outrancières volontairement, etc. Et qui lui permettaient d'être ce qu'elle avait envie d'être sur scène, et pas dans les possibilités de la vie de tous les jours, en rue et compagnie. Donc la scène comme endroit de transformation et de transfiguration de manière libératrice, quoi. D'où le texte que tu m'as envoyé par message de profiter de la scène pour être quelqu'un d'autre. Mais tu mets mes questions oui. dans le désordre et tout. Donc oh, mais vas-y, pardon, vas-y, continue. Non mais voilà, ça vient de là, genre de prendre la scène comme endroit magique en fait. Comme endroit de liberté, et donc oui, je chante, oui, je compose de la musique, et j'ai envie de le faire en étant qui je suis à l'intérieur, et qui je suis à l'intérieur ressemble à King Baxter. Voilà. C'est ça. C'est ça. Yes. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a aussi cette dimension d'une certaine protection en mettant à distance qui tu es toi vraiment au civil ? Et en prenant ce personnage qui te permet d'aller plus loin que là où tu pourrais aller normalement dans la vie de tous les jours. Ah oui, complètement. Déjà, dans la vie de tous les jours, je ne me trimballe pas forcément en strap-on dans la rue. Bien que je ne le mette pas tout le temps sur scène. Non, mais bien sûr, King Baxter me permet d'être une espèce de surpuissance de moi-même. Parce que prendre la scène, c'est quelque chose de l'ordre de prendre un certain pouvoir aussi, donc de se l'octroyer. Et quand tu passes ta vie à entendre que t'as rien à foutre là, ou que, de manière générale, ou que t'es genre personne ne comprend ce que tu racontes, personne ne peut empathiser avec ce que t'es en train de vivre, bah, le fait de prendre la scène et de prendre le micro pour dire en fait voilà ma vie. Voilà ce que je ressens et voilà ce que je pense, et puis tu vas rien pouvoir dire parce qu'en fait c'est moi qui suis sur scène et puis c'est toi qui regarde, c'est quand même ultra important et libérateur. Parce que en fait, en t'écoutant, je me rends compte que j'ai pas encore eu la chance de te voir sur scène, à part dans un merveilleux petit requiem de Lindidi avec Pierre Rococo. Mais c'est vrai que c'était drôle, ça. C'était vraiment très chouette. Mais en fait, parce que moi, j'ai là, depuis quelques semaines et quelques mois, j'écoute beaucoup tes albums que j'adore vraiment. Mais en fait, en t'écoutant, je me dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment King Baxter, du coup, ces albums studio, ou est-ce que, en fait, King Baxter, c'est sur scène et tu vois, ce rapport à la trace et à l'audio par rapport à un personnage que tu définis surtout comme un personnage de scène, est-ce que ça a du sens ou... Oui, je comprends tout à fait, ça a du sens. Et puis je pense que King Baxter, le fait que ce projet-là existe, ça me donne un certain axe d'écriture aussi. Ça me donne une possibilité de permission d'écriture. Il y a des textes qui sont encore aujourd'hui, quand je les écoute, que je trouve genre très violents d'une certaine manière, mais qui sont nécessaires en fait, que je me permettrais pas dans la vie de tous les jours de dire, parce que je suis quelqu'un qui finalement peut être très introverti, même si ça, on n'a pas l'impression comme ça, mais j'ai beaucoup d'anxiété sociale. Des fois je suis très très mal à l'aise quand les gens viennent me parler, je sais pas où me mettre. Mais aussi je vais pas poser de questions aux gens, j'aime bien foutre la paix aux gens. Très souvent on trouve ça bizarre qu'en fait je pose pas de questions pour savoir d'où tu viens, de machin et tout. J'aime beaucoup prendre les gens comme ils sont au présent. Et j'aime pas forcément raconter non plus d'où je viens ou pourquoi je pense ça, Après, enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui va forcément prendre de l'espace dans la vie de tous les jours. Du coup, je me permets de le faire et de le dire aussi et de dire tout ce que je pense, en sachant que je sais que je peux avoir une vision assez pas cynique mais sinistre de la société. Et ça peut être assez déprimant si je le dis en dehors de la scène. Parce que King Baxter, je considère que c'est un peu ma manière d'être un clown aussi. Ouais. Même si c'est un clown d'Arcos, on est d'accord. Mais du coup, ça me permet d'en rire et ça me permet d'en rire avec aussi les personnes qui sont dans le public et avec moi sur scène, quoi. Ou en studio. C'est un endroit qui me permet de dire ce que je pense le plus intrinsèquement possible, mais avec beaucoup de dérision, ce qui peut être aussi terrible, mais ce qui fait beaucoup de bien, je pense aussi au message et à la transmission. Point. Alors, oui, un point qui m'a intéressé aussi en t'écoutant chanter, c'est que tu chantes dans plusieurs langues. Mm-hmm. Tu chantes parfois en anglais, souvent en français. Il y a une chanson sur ton dernier album où tu chantes en italien. Oui. Pourquoi ces changements de langue? Bah, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, je suis très attaché à la langue française parce que c'est ma langue maternelle. J'ai eu beaucoup de difficultés avec cette langue-là. Je suis dyslexique. J'ai mis beaucoup de temps à écrire correctement, à parler même correctement. Et du coup, encore aujourd'hui, j'ai une manière d'écrire où mes tournures de phrases... c'est ce qu'on m'en dit, sont pas forcément celles qu'on ferait si on n'avait pas genre une neuro atypie comme la mienne, parce que je suis aussi TDAH. Et du coup, il y a une espèce d'amour comme ça où genre j'ai enfin réussi à me libérer d'un carcan que l'éducation nationale m'a mis sur les épaules, que j'étais complètement, enfin qu'on pouvait rien faire de moi en gros. Et ça, j'ai réussi à le décoincer grâce à une personne qui à l'époque était mon professeur d'histoire des idées. Waouh! Ouais, on a des titres de séminaires incroyables en école d'art. Mais à qui j'ai fait lire mes textes et je lui ai apporté mes textes en tremblant, quoi. J'avais ultra peur parce qu'en fait, c'était vraiment pour moi une transgression, quoi. Et il a lu ça et il m'a vraiment fait des retours auxquels je m'attendais pas du tout. Et comme c'est quelqu'un que je respecte énormément pour le savoir qu'il a et pour la manière dont il a de transmettre aussi son savoir. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment énormément touché et je me suis dit en fait si cette personne là me dit ça, c'est ultra valide, quoi. Et du coup ça m'a fait du bien et donc c'est pour ça que je me suis quand même attaché à la langue française parce qu'il y a beaucoup de possibilités de jouer sur les mots, de jouer sur la compréhension, sur les sous-entendus, enfin voilà. J'aime énormément ça. Après, j'arrive pas à dire les mêmes choses qu'en anglais, par exemple. Okay. En anglais, je trouve qu'il y a un truc qui est plus facile musicalement pour être catchy, comme ça. Du coup, j'ai des narrations qui sont un peu différentes. Enfin, en tout cas, la manière de les dire sont différentes, quoi. Les manières de les dire sont différentes. Et puis, ça me permet aussi d'inclure un petit peu plus genre les personnes qui sont pas francophones qui suivent King Baxter. Parce que ça a commencé à arriver. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui écoutaient la musique de King Baxter et écoutaient les paroles, mais genre entravaient que dalle à ce que je racontais. Et je me suis dit, genre, c'est quand même un peu dommage, même si je pense que tu comprends l'énergie du truc, enfin, du projet, quoi. Mais j'avais envie aussi pour ces personnes-là que j'ai croisées sur ma route de faire des textes en anglais. Pour que ça soit aussi pour elle, mais accessible de manière plus générale. C'est pour ça qu'une chanson comme Gold as Fuck est super importante en anglais, parce que je trouve qu'elle résume énormément de qui je suis et de ce que je raconte. Ça, et puis après l'italien, c'est une relation à mon histoire familiale où ma grand-mère nous a toujours. Enfin, on n'avait pas le droit de parler italien à la maison. Voilà. C'était bah parce que elle a vécu, elle, donc elle a immigré en France toutes ces années d'immigration pour les mines de charbon. Le reste de sa famille est reparti en Italie et elle est restée. Mais elle a vécu quand même les interdits aux chiens et aux Italiens. Et du coup, je pense qu'il y avait un traumatisme de ça et une envie d'être une représentation de la bonne intégration. Ce que j'ai aussi. Enfin, je me suis rendu compte, même si on reste en francophonie et tout ça, mais quand je suis arrivé en Belgique, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette éducation-là de devoir tout bien faire pour prouver qu'en fait, je ne suis pas là pour déranger et que je veux tout mettre en place pour montrer que j'ai véritablement envie de m'intégrer et que je comprendrai les différences. Voilà. Et ça, je pense que ça vient de là. Mais je me suis aussi rendu compte que mon caractère italien et du Sud, en tout cas, était aussi très fort dans ma personnalité. Et j'avais envie de juste de comprendre d'où ça venait. Donc, je me suis vraiment appliqué à réapprendre l'italien. J'ai beaucoup voyagé en Italie, je suis allé travailler aussi en Italie pour juste retracer un peu genre mes racines. Et cette histoire que je chante en italien, ça s'appelle la Befana. Et la Befana, c'est l'image mythologique de la sorcière en Italie. Et pour moi, c'était quelque chose d'important parce qu'on m'a beaucoup. J'ai beaucoup joué avec la Befana, avec l'image de la Befana quand j'étais enfant. En même temps, ça pouvait être aussi genre une espèce de menace à laquelle je ne croyais pas. Genre, si j'étais pas sage, la Befana allait venir me chercher. Du coup, je faisais encore plus de bêtises. T'allais un peu provoquer la Befana pour voir. C'est ça. Et voilà, et c'est pour ça que je la raconte en italien. C'est un peu une lettre de démission, comme ça, en vérité. C'est, je prends la parole de la Befana, mais en vérité, la Befana, c'est moi. Et je raconte ce que je dis dans cette chanson, c'est que je parle à ma famille italienne, à qui je ne parle pas, que je connais pas, et même jusqu'aux plus proches, à qui je ne parle plus. Ou que c'est elle eux qui ne me parle plus. À quel moment ça a commencé, on ne sait plus, hein, mais dans ce genre de situation. Mais qu'en gros, je leur dis en fait, c'est la vie. Et si vous comprenez pas que je suis allié, mais si vous préférez me voir comme un ennemi parce que je suis à vos yeux différent, différente, ciao. Je m'en retourne dans mes montagnes, dans ma grotte. Mais je fais plein de jeux de mots en italien dans le texte. Et du coup, c'est très difficile de les traduire. Il y a beaucoup de tes textes, en tout cas pour du coup ceux que je comprends, où tu parles de la joie et de la magie d'être queer, d'être un monstre, d'être une sorcière. C'est important pour toi, via ta musique, de parler de nos identités, de parler de qui on est? Bien sûr. Déjà de qui je suis, donc dans le sens où c'est toujours par mon filtre. Tu vois, je dirais pas que je chante la joie d'être queer. Je pense que je chante la joie d'être dans une différence de l'hétéronormativité. Nos représentations, pour moi, sont importantes parce qu'en fait, c'est mes amis qui ressemblent à ça, quoi. Donc, quand je vais pas bien, c'est ces personnes-là qui sont là. Quand je vais bien, c'est ces personnes-là qui sont là. Dans tous les moments de ma vie, en fait, je me retrouve avec ces personnes-là. Donc, c'est quand même cette communauté qui m'entoure, c'est pas genre juste j'ai essayé de me créer une communauté, c'est ma vie de tous les jours, c'est les personnes à qui j'envoie des messages quand je me réveille le matin ou quand je suis bourré à 3 heures du mat, enfin. Ou avec qui je sors, ou avec qui j'aime, je relationne, je baise. Enfin, c'est. Ouais, et pourtant, j'ai pas forcément cherché à être de la communauté LGBT. Je dis LGBT parce que j'en viens à l'époque de mon lycée où en réalité, comme j'étais dans le sud de la, sud-est de la France, à Nice, j'avais pas du tout envie de faire partie des LGBT parce que c'était des personnes blanches et de droite et que je les aimais pas. Et que les lesbiennes blanches de droite ne m'aimaient pas non plus. Donc j'ai eu beaucoup de mal à genre juste symbioser avec cette identité-là. Et je passais plutôt mon temps avec mes copains PD qu'avec celles qui se disaient LGBT. On se comprenait pas trop. Je pense que j'étais trop déjà de gauche si on veut le binariser comme ça quoi. Mais voilà, mais du coup ouais, c'est important, c'est les personnes qui me sont chères et c'est les personnes dont on comprend, enfin dont on veut pas comprendre l'existence. Du coup je continuerai toujours de dire qu'on est là. Tu es donc aussi travailleuse du sexe et dominatrix. Tu t'en as fait même une chanson 700 grammes sur ton dernier album. Ouais. Et pareil, du coup, c'est important pour toi aussi de parler de ça. De parler ça a toujours TDS. Été méga important. En fait, je parle de TDS Je parle de philosophie BDSM à plein d'endroits dans mes chansons. Mais c'est en filigrane parce que ça passe vraiment comme étant vu qu'en fait le BDSM, il y a aussi toute une philosophie qui va avec, qui est aussi, enfin, qui est reliée à plein de mouvements philosophiques, comme celle du satanisme aussi. Et c'est des choses dont je parle parce que je pense que je l'ai suffisamment intégré aussi dans ma vie de tous les jours, que du coup, ça fait partie de mes mots. Mais j'avais jamais consacré une chanson à la domination. Un peu par timidité comme ça, j'avais vachement peur que ça soit genre juste vulgaire. Et puis de toutes les manières, ça fait très longtemps que je suis beaucoup trop vulgaire pour le commun des mortels. Donc je me suis dit genre, de toute façon on n'en est plus à ça près. Du coup effectivement j'ai fait cette chanson là, 700 grammes, dont personne ne sait encore ce qu'équivaut 700 grammes. Mais je ne le dirai jamais. Oui, c'est important. Et avant ça, même avant cette chanson, j'étais déjà sur scène pour représenter les TDS d'une manière militante. J'ai servi pendant toute une période de mascotte. Là, j'étais la mascotte des putes et j'en étais ravi. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a peu de personnes qui ont le privilège et l'envie et la possibilité de se outer en tant que TDS. Quand tout ça a commencé, parce que ça vient aussi avec le début du TSOPI, donc l'Union des travailleuses du sexe organisé pour l'indépendance, il nous fallait bien proposer des animations, des activités pour que les personnes qui avaient envie de nous soutenir viennent à nos soirées et s'amusent avec nous. Et du coup, j'ai fait beaucoup de concerts comme ça aussi, en étant à la représentation du militantisme TDS. Donc oui, c'est important. Yes. Eh ben, on va parler de tout ça dans deux petites secondes en se penchant un peu plus, même si on l'a déjà pas mal fait sur qui est King Baxter en tant que tel. Mais avant de commencer, assister à un show de King Baxter, ça peut ressembler un petit peu à ça. Hello, my name is King Baxter. And I'm come from another planet. Planet next to you. Do you copy me? Copy? Je suis un monstre. J'ai des poils. Je ne viens pas d'ici. Je respire. Autour de moi. T'avais fait un petit montage. Mais oui. Comme c'est mignon. Ça voyage, hein. Ouais. C'est pas mal. C'est drôle. C'est beau parce que je trouve on entend un peu déjà tout ce dont on a parlé jusqu'ici, quoi. Tu parles du fait d'être d'une autre planète, d'avoir des poils, à cab. Voilà, quoi. Voilà, tout est dit. Ouais, surtout ce qui me fait rire, c'est de me dire le premier album de Nightmare, il est sorti, enfin j'ai commencé à le créer en 2014-2015, ça a pris du temps, j'étais seul, donc il a quand même été fait genre je pense sur 3 ans, un truc comme ça, et j'ai surtout perdu des notes. Ah ouais. Et ma voix est beaucoup plus grave maintenant, ma voix genre passe... de toute ma vie, si on réécoute les enregistrements que j'avais fait quand j'avais 19 ans, j'avais vraiment genre du chiot et je me demande du coup ce que ça doit paraître pour les gens au téléphone avec ma voix d'aujourd'hui, mais enfin bon. Ouais, du coup ça me fait toujours rire de réentendre ma petite voix fluette, voilà, comparée à ma voix d'aujourd'hui. Mais justement, tiens, parce que donc, tu es sous testostérone, qu'est-ce que ça fait du coup de... Bah ouais, d'entendre en fait des traces audio. En plus, là, on n'en a pas encore parlé, mais tu es aussi animateuriste de radio. Ouais. Et donc, en fait, tu travailles beaucoup sur ta voix. Mm-hmm. Et donc, j'imagine que ça doit être quelque chose d'entendre le trajet de cette voix. Ouais, puis il n'y a pas que la testo qui a joué dans cette voix. Il y a aussi le whisky et les clopes. Le café. Non, il se trouve que je suis une personne intersexe et j'ai commencé la testostérone en microdose pour rattraper un peu les... Enfin, du coup, de manière complètement expérimentale, hein, parce que vu les avancées sur les personnes intersexes, bon, voilà, on aurait été au courant sinon déjà. Attendre, ouais. Ouais, exactement. En fait, comme j'ai été genre vraiment ultra hormoné aux oestrogènes pendant l'adolescence pour essayer de rectifier ma balance hormonale, que quand j'ai tout arrêté, je me suis retrouvé dans une grande problématique de balancier hormonal où vraiment genre du coup mon corps avait un gros creux, n'arrivait plus à retrouver un équilibre. Puis j'ai compris et appris que j'étais une personne intersexe, ce que je ne savais pas avant, je pense, mes 25-26 ans. Et du coup, j'ai commencé il y a 3 ans la testo en microdose pour déjà juste contenter en fait la blessure que la médecine avait créée pendant toutes ces années, pour voir si j'avais raison de faire ça ou pas. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai continué. Puis je me suis dit qu'en fait, j'avais le droit d'être intersexe et trans. Qu'en fait, l'un n'empêchait pas l'autre. Parce que je me suis beaucoup caché derrière le fait d'être une personne intersexe aussi pour ne pas totalement assumer ma transidentité. Et du coup, au bout d'un moment, genre, je me suis juste dit que j'avais aussi le droit d'être une personne trans. En fait, c'est deux choses différentes. Mais on est tellement mal informés, on en parle tellement peu que du coup... en fait, même pour les personnes concernées, c'est très déstabilisant. Du coup, maintenant, oui, depuis 3 ans, j'ai augmenté ma dose de testo. En tout cas, j'ai pas l'impression que ma voix ait fait un plongeon directement. Je pense que depuis mes 19 ans, 18-19 ans, ma voix ne fait que... sombrer comme un paquebot qui coule. T'as encore une belle tessiture. Oui, mais parce sur que ton dernier album. Oui, je travaille beaucoup ma voix aussi. Enfin, beaucoup. Je suis un peu flemmard quand même, un peu sur les bords, mais je fais quand même attention parce que c'est mon outil principal. Après, c'est sûr qu'il y a des chansons, par exemple du premier album. Il y a des notes, je suis plus capable de les faire comme telles. Ouais. Par contre, je peux placer ma voix sur la tessiture un petit peu d'en dessous et genre quand même faire la chanson, c'est pas un problème. Mais oui, ma voix, je la travaille. Mmh. Je travaille beaucoup. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, déjà à l'époque, je pouvais être alto ou genre petite basse, et que là je travaille sur plutôt des exercices de baryton, quoi. Ok. Voilà. La testo a aidé, mais je pense sincèrement que le café, les clopes et le whisky, ça a aidé aussi. Parce que j'ai arrêté entre temps, donc merci. Ben, on a déjà pas mal parlé du coup de tes débuts dans le drag, etc. Mais du coup, pour reprendre avec ce que tu évoquais avant le passage, ben donc tu es effectivement cofondatrice d'Utsopi, qui est parvenue notamment à obtenir la dépénalisation du travail du sexe en Belgique, ce qui est, si je ne dis pas de bêtises, le deuxième pays au monde. Exactement. À obtenir cette énorme victoire pour les TDS. C'est comment ce militantisme-là? C'est chaud. c'est pas évident. Alors, je sais pas si je dirais que je suis cofondatrice. Peut-être si, en fait, dans les faits. Mais. Est-ce que j'avais pu comprendre à la lecture de Traverser le Nocturne? Non, mais oui. Oui. Assumons les mots. Oui, voilà, c'est ça, assumons les mots. Seulement, c'est pas de mon initiative. En fait, j'ai rencontré les personnes peu de temps après qu'il y ait eu vraiment une forme de déclaration d'existence d'Utsopi. Et du coup, je me suis directement mis avec elle. Parce qu'en même temps, à l'époque, elles étaient 4, plus moi, ça faisait qu'on était 5. Enfin voilà, c'était pas. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, quoi, à cette époque. Et à quoi ça ressemble le militantisme pute? Ben, ça a quand même énormément évolué, aussi, grâce à Utsopi. Parce que voilà, comme je disais au tout début, Utsopi c'était un collectif, et puis au bout d'un moment, ça s'est formé en tant qu'ASBL. Et puis maintenant, on taquine avec le législatif, donc c'est assez impressionnant. Il y a à peu près combien de personnes maintenant dans Utsopi, à la louche Bah déjà, il y a un CA, il y a des membres effectifs, des membres actifs, des employés, enfin tu vois, genre c'est incroyable, quoi. Ouais. Je pense en vrai, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 4 ou 5 personnes employées, 3 personnes au CA... des membres actifs, je ne sais pas combien il y a de personnes. Oui, mais en tout cas, voilà. Mais fût-ce qu'en tant qu'employé direct de la SOS et membre du CA, il y a déjà 7-8 personnes, quoi. Ouais, ce qui n'est pas grand-chose, quand c'est même. C'est déjà beaucoup pour une. Mais pour ce qu'il y a à faire, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà énorme. Ouais. Et voilà, après. En fait, ce qui. C'est ultra passionnant. Cet endroit de militantisme, surtout quand t'es concerné, en fait. C'est aussi très fragilisant et déstabilisant, parce que, encore plus quand t'es concerné, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qu'on aime beaucoup, qui sont très choux, qui disent supporter le militantisme pute, mais quand on est 15 sur un rond-point pour faire une protestation, alors qu'il y en a plein qui nous disent genre, ouais, vive les putes, tu vois, t'es un peu leur mode genre. Enfin, ouais. C'est chaud. Et puis, dès qu'il y a la moindre possibilité aussi, on tape sur les putes, quoi. Mais alors, ça, c'est un réflexe qui est pour tout le monde, quoi. Vraiment, même pour nous en concerner les premières. Hein, je veux dire, il y a parfois des conflits entre TDS. Qui révèle d'une putophobie internalisée, mais qui est là, en fait. Enfin, même si on essaye de la déconstruire, elle est tellement enracinée dans ce qu'on nous apprend de la morale que c'est très difficile de s'en défaire complètement. Du coup, voilà, c'est très chamarré comme état mental et psychologique de militantisme, mais c'est incroyable aussi, quoi. Enfin, je veux dire, la décriminalisation, c'est un premier step. C'est-à-dire que maintenant, la prostitution dans sa manière généralisé, mais pas que, mais vraiment genre le TDS, parce que le TDS, le travail du sexe, ça comporte aussi des assistants, assistantes sexuelles, des strippeuses, des actrices porno, donc pas que des prostituées en vitrine par exemple, mais voilà, parce que parfois, il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie, ça aussi, hein, c'est de la putophobie internalisée, de se dire TDS. Il y a des dominards qui ne veulent pas se dire TDS. Bon, bah ok, fine, si tu veux, pas de problème. Oui, c'est ça. Il y a quand même un échange de services, quoi, à un moment. bon, oui. Mais ok. Du coup, c'est pas toujours évident de rallier tout le monde, même entre nous, en intracommunautaire, c'est pas évident. Et puis surtout, pendant très longtemps, c'était pénalisé, c'était considéré comme un crime. Donc il n'y a pas très longtemps, hein, donc il y a encore un an et demi, deux ans. C'était considéré comme un crime, même si en Belgique, il y avait une espèce de zone grise comme ça, où tu avais le droit de travailler, tu devais te déclarer à la police des mœurs. Mais par contre, tu avais le droit aussi de payer tes impôts, bien évidemment, et tes taxes. Du coup, il faut quand même pas déconner. Mais par contre, ton propriétaire, ton banquier, ton dentiste, ton médecin, même ton enfant ou ton chien pouvait genre être ton proxénète, en fait, parce que la logique disait que toutes les personnes qui jouissaient de l'usufruit de la prostitution étaient forcément proxénète. Toute personne à qui tu donnais de l'argent gagné possiblement par la prostitution était poursuivible. Ouais. Était accusable ou menacé de proxénétisme. D'accord. Donc ça veut dire qu'on avait des situations où les TDS étaient taxés dans tous les sens, pas respectés. Elles avaient genre juste aucun endroit administrativement parlant aussi. Et en plus de ça, elles n'avaient pas d'assurance, elles n'avaient pas la possibilité d'ouvrir un compte en banque en déclarant que cet argent venait du travail du sexe. En fait, t'es obligé de vivre caché, donc si tu veux avoir une assurance, t'es boulangère. Ah oui. Puis tu poses pas de questions. Oui, c'est ça. Tu vois. T'as les ongles vachement longs pour une boulangère. Ouais, mais tu poses pas de questions. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, ça devient fatigant, quoi. Du coup, voilà, c'est quand même le premier step. Maintenant, les steps qui vont arriver, c'est. Parce que là, c'est en suspens, dans les airs, comme ça. C'est pas encore rentré dans le code du travail, véritablement. Oui, parce qu'on parle de. Oui, on parle de ça. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre de contrat, disons, écrit, de type, contrat type, de cadre dans le code du travail qui permettrait de donner la possibilité à toutes les formes de TDS d'avoir juste une manière légale d'exercer leur métier. Donc c'est en construction, en tout cas. Et du coup, toi, par rapport à ça, parce que tu nous disais plus tôt que t'avais été la mascotte des putes pendant un moment, c'est dans ce cadre-là aussi du tsopi, de la prise d'ampleur de ces questions-là, en tout cas du travail du tsopi autour de ces questions-là, etc. Oui, tout à fait. On a toujours, de toute façon, milité pour que les putes aient des droits. C'était limite, c'est notre seule ligne aussi de combat, quoi. C'est d'être reconnue comme étant travailleuse et citoyenne X de cette société, au même titre que le facteur, la factrice, la boulangère, le sapeur-pompier, enfin voilà. Donc oui, c'était toujours dans ce but-là. Et du coup, parce que beaucoup de personnes que j'ai interviewées aussi et aussi par ailleurs m'ont dit que le drag avait des côtés très fatigants, que c'était beaucoup d'énergie investie pour peu de revenus, etc. Mais toi, du coup, tu cumulais composition, écriture, interprétation de chansons, drag et militantisme très actif. Ça va. Et TDS. Oui, TDS aussi. Parfois, qui est aussi énergivore. Ça va. C'est, Écoute, après plusieurs crashs, burn-out et tout ça, je suis toujours là. Mais non, c'est pas évident du tout, hein. Franchement, en vrai, moi, il y a énormément de choses qui me désarçonnent, mais me dépriment en fait. Vraiment, il y a plein de choses qui me déçoivent d'une manière extrême. Tu veux dire par rapport au... par rapport à la vie politique. C'est énormément... C'est très fatigant. Puis quand t'es dans le militantisme, tu prends les choses à cœur. Sinon, tu n'y serais pas. c'est pas un endroit de soins, le militantisme. Ça, par contre, il faut arrêter de croire ça. C'est pas du tout un endroit de soins. C'est un endroit de trauma. Parce qu'en fait, c'est justement l'endroit de lutte. Donc, ça va pas te soigner, ça va pas te caresser dans le sens du poil. Ça va juste envoyer des grosses patates dans la tronche pour te dire, t'es un gros caca et on va te le rappeler, quoi. Écoutez, je sais pas, moi, je crois que j'avais déjà une certaine habitude à la dépression, donc ça va. J'ai pas été genre Et est-ce que du coup, le drag a été un endroit de soins dans ces moments-là ? Oui, ça par contre, la scène, tout cas, a été un endroit de soins, ouais. Et de revendication, comme je disais tout à l'heure, le fait de prendre l'espace de scène. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça, de manière avec humour, hein, bien sûr, mais c'est un petit endroit de dictature. Surtout quand on est un roi. bien sûr que ça fait du bien, parce que là tu peux vraiment te permettre de dire les choses, personne va te couper la parole, puis la plupart du temps normalement les gens viennent pour te voir, donc en fait pour entendre aussi ce que t'as à dire et aller dans ton sens, ou en tout cas t'applaudir pour ce que tu dis. Donc forcément, il y a quelque chose de très gratifiant à être sur scène, et de très soignant. Et malgré tout, des fois sur scène, je suis vraiment traversé de plein d'émotions diverses et variées, et je les laisse advenir aussi sur scène. Ce qui est, en fait, normalement, on me voit dans des cadres, des formats de concerts. Du coup, en une heure et demie, il se passe des choses, ouais. Oui, en plus, toi, ton format, c'est moins le format de je viens faire un numéro et puis après d'autres personnes vont faire je fais ça numéro. De temps en temps pour m'amuser. Ouais, mais ton format privilégié, c'est plutôt toi, une heure et demie avec, quelques instruments sur scène et on y va, quoi. C'est ça. Quelques instruments de torture. Et Maxime Pichon, voilà, qui m'accompagne, qui n'est pas un instrument, c'est un être humain, même si parfois je les confonds. Est-ce que le King, il a bien évolué depuis ses débuts ? De ouf. Parce que, en tout cas, visuellement. La perruque bleue a l'air d'être toujours là. Le maquillage a l'air d'être assez stable. Ouais, il y a eu des évolutions dans le maquillage aussi. Mais en tout cas, il y a un look démon qui a l'air de prendre de la place de plus en plus. Il y a une identité en fait visuelle qui ne se tient pas à comment dire. C'est peut-être un truc de graphisme, mais j'ai pas fait d'études de graphisme, alors je sais pas comment on appelle ça, mais l'identité visuelle n'est pas forcément un visage, mais plutôt un code couleur. Et du coup, là-dedans, avec ce code couleur, c'est mes outils pour m'amuser à ressembler à ce dont j'ai envie, en fait. Et donc chaque fois que je monte sur scène, j'ai pas forcément le même make-up, j'ai pas forcément la même tenue. Par contre, tu sais que c'est moi. Oui, la perruque bleue ou les cheveux bleus. J'ai eu les cheveux courts aussi, c'était mes cheveux naturels. Enfin, naturels, oui, mais décolorés. Et recolorés en bleu. À quel moment ça reste encore naturel ? De la paille, bref, on ne sait pas. Mais oui, il y a en fait une identité visuelle comme ça qui est plutôt sur des codes très instinctifs qui sont genre je reconnais les couleurs. Ça veut dire que c'est King Baxter. C'est ça. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a quoi qui a évolué dans... Oh bah l'assurance déjà pas mal. La corporalité a beaucoup évolué. Je crois que j'ai moins honte d'être sur scène. J'ai beaucoup plus de plaisir à la désinvolture. C'est-à-dire que si j'ai envie de chanter une chanson sans bouger, je bouge pas. En fait, je chante déjà, c'est pas mal, non ? Et ça, avant, j'essayais. Enfin, j'avais beaucoup plus de corporalité. Après, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai dû accepter que je suis moins en connexion avec mon corps. Mais c'est un travail que je fais à côté, histoire de retrouver un peu ça. J'ai moins la nécessité de ça sur scène. Donc, il y a une évolution qui est là. J'ai du nouveau matériel musical, donc je fais de la meilleure production aussi. Ouais. Et puis, t'es devenu le suzerain du royaume nocturne. Bah ouais. En même temps, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est normal. ouais, complètement. Et ça, du coup, c'est né de quoi, le royaume nocturne ? Le royaume nocturne. Alors, le royaume nocturne, déjà, de base, c'est un endroit mental que j'ai décidé de nommer comme ça. D'où vient King Baxter ? Et c'est, en gros, c'est le nom de mon inconscient. Mais pas juste du mien, parce que King Baxter n'est pas juste... Enfin, ça m'appartient, mais le fait d'être King Baxter comme le fait d'être Drag Croc, par exemple, c'est un processus qui, pour moi, est un processus artistique. Et donc, le Royaume Nocturne, ça pourrait être le nom de l'inconscient de quelqu'un d'autre, si ce n'était pas moi. Seulement, j'ai décidé de l'appeler comme ça, et voilà. Oui. Et puis à un moment j'étais quand même le seul sur Bruxelles à faire ça, donc à être autre chose que drag queen quoi, et j'avoue je me faisais un peu chier seul. Je travaillais dans les cabarets et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait en tout cas une grosse famille de drag qui est celle de maman, que je porte pas forcément dans mon cœur. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, en fait, sur... Ah ouais, donc en fait, il y a quand même un espèce de népotisme de famille choisie. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans ? Parce que... Bah parce que clairement, même si c'est pas des personnes, je parle pas de maman, des autres personnes de cette famille-là, ou même de la scène drag, de cabaret, c'est pas forcément un endroit qui m'invite, c'est pas forcément un endroit non plus dans lequel j'ai envie d'aller. Pas que j'aime pas le cabaret, mais c'est qu'effectivement, c'est pas... moi, je veux une scène de concert. Donc voilà. Donc il y a une chose un peu hybride aussi qui se passe chez moi, mais c'est vrai que au niveau des représentations des corps trans et puis des politiques anar, squat, radicales, je me sentais très seul, ouais. Donc je me suis dit, genre, tiens, je suis quand même un roi, je pourrais avoir des enfants en vrai. Genre, je suis beaucoup plus légitime que maman d'avoir des enfants. Ah bah non, elle s'appelle maman. Merde. Ah oui. Non. Elle avait prévu le coup. Elle avait prévu le coup. Non mais voilà. Du coup, ouais, moi le seul exemple que j'avais, c'était la famille, cette famille-là. Et comme j'aime toujours, j'ai une fâcheuse tendance à aimer déformer les choses, les détourner. Je me suis dit, tiens, et qu'est-ce que ça pourrait donner si c'était moi qui faisais une famille de performeuses complètement twistées. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et du coup, ce Royaume Nocturne fait des shows ensemble et tout ça, ou ça... Comment ça s'organise? Alors, comment ça s'organise? Si ça s'organise. Ça s'organise. Ça s'organise. Ah oui, oui, oui. Uh-huh. Oui, c'est organisé de manière aussi très organique. Hein. Mais moi, je fais beaucoup de productions. pour mes enfants. Donc bon, il faut du coup genre expliquer que dans la manière de faire les choses, comme je ne voulais pas faire comme tout le monde ou comme la tradition voulait des familles drag, c'est moi qui suis allé chercher et proposer à mon premier enfant si elle voulait bien être mon enfant. Du coup, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait me plaire et avec qui je pourrais partager les heures nocturnes, bon, voilà, en tout cas d'être un peu à la marge de la marge. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé Blanquette la Goulue, où je me suis dit, genre, bon, avec un nom pareil, normalement, on devrait bien s'entendre. du coup, j'ai proposé à Blanquette de se rencontrer, de discuter, de voir si elle était OK d'être mon enfant, si elle, dans sa vie de tous les jours, avait envie de cet engagement-là, en fait. Et du coup, ça a commencé comme ça, ce qui se fait pas du tout. Normalement, c'est l'inverse. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, il y a eu Émile, a.k.a. Schlaggy Daddy, qui est aussi performeur, mais qui est aussi régisseur. Puis il y a eu Mamati Tuba, qui est arrivée en tant qu'enfant, qui, elle, fait de la performance drag, politisée. Et en gros, l'organisation se... Ouais, c'est une manière très organique, mais Schlaggy Daddy fait la régie des événements, ou alors c'est moi qui les faisais aussi avant, mais du coup... J'ai passé certains skills à Schlaggy Daddy. Moi, je réalise la plupart des productions donc de ce qu'on entend de leur show. C'est moi qui fais les montages, les enregistrements de voix. S'il y a des compositions originales, c'est moi qui les fais la plupart du temps. Si c'est pas moi, c'est genre Noé Berling qui a fait le master... le mastering de mon dernier album. Donc ça reste quand même dans la famille, quoi, disons. Et puis, moi, j'ai eu aussi ce rôle de les faire monter sur scène. De les faire monter sur scène, de leur trouver des scènes, de les mettre en avant. Comment dire, à un certain moment, ma place aussi de militantisme n'était pas que sur le militantisme pute, mais aussi des représentations trans dans la ville de Bruxelles et dans les événements et dans la vie nocturne, surtout, de Bruxelles. Donc je suis arrivé à des endroits où on m'appelait souvent pour savoir qui bookait. Et du coup, je me suis dit, genre, bon, maintenant j'ai des enfants. Donc, je vais pouvoir leur dire oui, bien sûr. Blanquette la Goulue. Donc, voilà, en fait, c'est genre bêtement aussi profiter et reproduire ces idées de filiation et d'entraide dans cette famille-là. C'est pas évident d'avoir des scènes quand on est drag queer. Encore moins il y a 4 ans, tu vois. Encore aujourd'hui, depuis, il y a eu toute une ouverture des scènes, mais c'est parce qu'on a envahi les espaces aussi. Et, ouais, c'était ma prochaine question. Ce royaume nocturne de plus en plus sort du monde de la nuit et du squat pour se déverser dans un autre monde de la nuit plus institutionnalisé. Est-ce que c'est l'heure de gloire de King Baxter et de sa clique, ou est-ce que... Je sais pas si c'est l'heure de gloire. En tout cas, moi, je perds pas de ma tête que un des principes fondamentaux, un des principes fondamentaux de l'anarchisme et du punk, c'est répandre le chaos. du coup, par rapport à ça, c'est ce qu'on fait. Non, mais c'est important, en fait, de pouvoir déjà laisser la liberté à chacune de s'exprimer dans les endroits où elles ont envie de s'exprimer. Ça, c'est fondamental. Je vais En fait, je suis vraiment pas du tout quelqu'un qui va dire, sauf si c'est vraiment déconné, ou là je vais arriver en disant genre, eh oh, tu te calmes direct. Mais ça m'arrive très peu. Mais très souvent, voilà, je viens pas dire où est-ce que tu dois jouer, comment tu dois te comporter. Non, je viens soutenir des projets, donner de l'aide et du soutien moral, mais matériel aussi. Pour que chacun à sa manière puisse en fait se sentir déjà aimé bêtement hein, voilà, soutenu et dans la possibilité de se sentir légitime aussi de prendre cette parole voilà, en sachant que toutes les personnes du Royaume Nocturne majoritairement sont des personnes trans. Ben, c'est super important en fait de s'encourager à la légitimité de prendre la parole parce que c'est pas les autres qui vont nous la porter, tout bêtement. Du coup, je sais pas si c'est l'heure de gloire, mais j'espère que ça continuera. En tout cas, moi, tout ce que je souhaite, c'est du succès, de la joie et du bonheur. Aux personnes qui font partie du Royaume Nocturne, déjà premièrement, et puis des autres, bien évidemment, aussi. Alors, pour terminer, avant les questions rituelles du jour, mais pour certaines personnes, le drag est politique par essence. Le simple fait de monter sur scène pour s'approprier, déconstruire les codes du genre, c'est un acte fort et suffisant d'une certaine manière. Mais est-ce que toi qui as aussi un passé et une activité encore militante forte, est-ce que pour toi ça suffit? Est-ce qu'il faudrait que les dragues quittent les scènes pour aller dans la rue et s'emparer de la politique plus à bras-le-corps ou pas? Ou est-ce que c'est en fait deux choses assez différentes et c'est bien que ça reste séparé? Je pense qu'on peut tout mélanger et qu'on peut séparer aussi de manière tout à fait valide. Parce qu'effectivement, déjà prendre la scène, c'est déjà quelque chose. C'est pas forcément... l'acte même de prendre la scène, de monter sur scène et de dire « maintenant c'est moi qui parle », c'est un positionnement politique. En tout cas, c'est une action qui traduit d'un moment qui est politique par essence, tout comme le corps dans l'espace public est politique. Mais par contre, après, est-ce que c'est politisé? Est-ce que c'est du militantisme? Non, pas forcément. Est-ce que on a tout le temps besoin de dire y en a marre sur scène? Non, pas forcément non plus. C'est aussi une revendication de vouloir apporter de l'humour, de la joie et de l'amusement sur scène, en fait. Et puis c'est un travail qui est assez incroyable. Enfin, réussir à faire rire les gens, c'est un taf, quand même. Surtout si derrière tout ça, enfin c'est on connaît la phrase qui dit genre que faire passer des messages avec de l'humour, c'est la meilleure manière de les faire passer. Bon, hein, parfois on n'a pas d'autre choix que de gueuler, mais c'est quand même un travail qui est suffisamment conséquent aussi que de monter sur scène et de faire rire les gens. Moi, je le trouve ultra valide en fait aussi en tant que forme de militantisme. Je pense que c'est des choses différentes. Je pense que c'est OK si on ne fait pas de militantisme sur scène. Si on ne se revendique pas drag politique, c'est tout à fait OK. Et quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Que ouais, c'est politique de monter sur scène, c'est pas forcément militant. Si les drags ont envie de sortir dans la rue pour aller manifester avec nous, en drag ou en civil, qu'elles le fassent, ça sera très bien. Déjà, faudrait qu'elle descend dans la rue. En fait, voilà, tu vois, genre, il y a aussi un truc, et c'est pas que les dragues, en fait. C'est aussi plein d'autres personnes que ça devrait concerner beaucoup plus, juste le fait de descendre dans la rue et de prendre l'espace public. Du coup, moi, partant de ça, tu vois, je me dis, genre, en fait, c'est tout à fait OK de le faire ou de pas le faire. Enfin, je pourrais pas, je me vois pas capable éthiquement, d'en vouloir à quelqu'un, de pas faire de politique sur scène. En fait, tu peux tout à fait faire passer énormément de messages déjà en fermant ta gueule. C'est pas mal, tu vois. Lili. Eh bien, avant de te laisser repartir, quelques questions rituelles que je pose à tous mes invités. Est-ce que le drag va changer le monde, King Baxter ? Voilà. Je pense pas que le drag va changer le monde. Je pense que potentiellement, ça participe à une évolution. Mais je pense pas que ça change le monde. Le monde tel qu'il est, je pense qu'il faudrait... autre chose pour vraiment le changer du tout au tout. Ouais, non. Non. Ok. Puis, je pense que on peut faire du drag sans se dire qu'on va changer le monde aussi. Ça peut faire du bien, juste ça. Juste le plaisir, en fait, de se permettre. Le drag apporte énormément de choses, de liberté, dans la fluidité, dans même aussi la possibilité de vivre sa transidentité. C'est déjà énorme, en fait, à vivre et à entendre en soi-même et à comprendre et à digérer et à comprendre. Merci Lorraine Marx pour ça. Mais c'est déjà énorme, en fait, à vivre dans un processus personnel que, en fait, on peut aussi, genre... se détendre et faire du drag pour se faire du bien à soi, en fait, se transformer, se donner la possibilité de se transformer en se regardant dans le miroir, en train de se maquiller, se donner cette liberté là et de prendre cette liberté là, c'est déjà énorme. Et après, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça donne comme envie de faire ça, ça vient après. Mais voilà, je pense pas que ça va changer le monde. Ça va sûrement y participer, comme énormément de choses. Mais voilà. Si tu pouvais t'inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui, ce serait quoi ? Je sais pas. J'en sais rien, parce qu'en même temps, King Baxter, il est capable de tout faire. Dans le sens où genre, je m'arrête pas... Tu sens pas qu'il t'enferme, quoi. Non, surtout pas. Je crois même, en fait, il faut se laisser... Enfin, laissons-nous la possibilité d'évoluer, quoi. À l'intérieur d'un personnage. Même moi, des matins, j'ai pas envie de porter cette chemise, je la porterai pas. Enfin, tu vois, genre, c'est tout con, mais... on a le droit de changer d'avis, en fait. Donc, nos drags aussi... d'ailleurs, hein, y a des versions de King Baxter qui sont beaucoup plus sorcières qui viennent descendre du bûcher, d'autres qui sont des vampires ou loups-garous complètement menaçants, motards, weird, aliens. Bah, je me laisse vraiment la possibilité de ça. Mais alors, bon, d'accord, je vais quand même essayer de répondre à la question. Mais c'est... Pour moi, c'est très bien. Bon, si je devais avoir un alter ego ultra femme, par exemple. Je pense que j'irai du côté Elvira. Ah ouais. Reine de la nuit, tu vois. Ouais, je crois que j'irai pas non plus dans un truc rose à paillettes. Ça serait mal me connaître. Ouais, grave. Okay. Je serais plutôt de ce côté-là. Trop bien. Est-ce que tu as un prochain numéro ou un prochain morceau dans les tuyaux ? Il y a plein de trucs. Ah là là. Bon, déjà, il y a des choses qui sont en train de se préparer avec le Royaume Nocturne, qui a plusieurs projets, on le sait, parce que ça, en même temps, il y a 3-4 enfants de manière officielle, mais il y a toute une marmaille aussi qui traîne dans la cour du château du Royaume Nocturne. J'ai aussi des sœurs et des frères, donc en fait, il y a plein de projets de partout. Il y a autant la veuve que Lily Besmerl, que Camille Pierre, qui sont dans Les Frères et Sœurs. Du coup, il y a plein de choses qui se préparent, c'est vrai, en commun. Il y a plein de choses Même au niveau genre juste de King Baxter, moi en ce moment ce que je suis en train de faire, c'est que je suis reparti dans une vibe encore plus technoïde qu'avant. Du coup, je sais pas à quoi va ressembler les prochains concerts de King Baxter. En même temps, comme je dois, je vais me faire opérer d'une torso en octobre. Du coup, ça veut dire qu'il va pas y avoir de concert de King Baxter avant un petit temps. Eh ouais. Bon, peut-être qu'il y en aura un avant la torso, histoire que tout le monde puisse dire au revoir à mes seins. Voilà, histoire d'être sassy une dernière fois avec mes boobs. Mais ouais, je crois que j'ai un espèce de revival de techno-électro que j'avais avant. Qui est en train de revenir, donc je sais pas à quoi va ressembler, mais en tout cas le troisième album de King Baxter est en train de s'écrire, ça c'est sûr. Il y a des collaborations qui arrivent, ouais, il y a plein de choses. Plutôt freak ou plutôt merveille? Bah, clairement freak. Bah oui. Et ben merci beaucoup. Merci d'être à toi. Passé King Baxter, c'était trop chouette. Puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Oui. Bonne Salut. Continuation, bisous. Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoiles et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à eux.